détruite devient la grève d'une future cellule construite sans blague. Je croyais que t'allais survivre dans un milieu aussi vierge et hostile qu'une feuille blanche. Tu dois noircir le monde pour survivre. Vérité n'est qu'une chimère, mais y renoncer c'est se soustraire au lendemain, demain c'est loin, et les rires gagnent du... Le sens est-il une conséquence de la maladie? Si oui, bénis tes cellules cancérigènes et le gène de la folie. Le sens est-il une conséquence de la maladie? Si oui, l'ul cancérigène, gène de la... Pédale d'effet sur mon cerveau pour en alterner les signaux électriques. En émane, le résultat est pas banal, mais la banalité est mon ennemi juré. Je suis le procès d'un démineur. L'ennui est un ami piégé. Il glisse dans tes veines et menace de se solidifier à chaque instant, me transforme en esclave de la conjoncture. Valentique, bien sûr. Je remets des poids sur la fragile balance de ma santé mentale, bien que certaines fois il semble...